Racine de moins 1, une émission de critique des sciences, des technologies et de la société industrielle, présentée par Radio Zinzine. Bonjour, je vous propose aujourd'hui d'écouter Philippe Biwix. Donc, c'est un ingénieur qui est sorti de l'école centrale, mais loin d'être un apologiste des technologies de pointe, comme beaucoup d'ingénieurs qui sortent de ce genre d'école. Il est assez critique sur tout ce qui concerne les high-tech. Surtout, il est spécialiste de la finitude des ressources minières et de leur étroite interaction avec la question énergétique. Voilà donc dans cette conférence du cycle Modernité en crise qui a été donnée en mai 2016 à la Cité des sciences et de l'industrie à Paris, eh bien Philippe Biwix va nous parler des fameuses solutions technologiques qui sont mises en avant pour réaliser la transition énergétique, cette fameuse transition censée nous mener des énergies fossiles vers les énergies renouvelables. Et il va nous montrer que bien loin d'être la solution, ces solutions technologiques, eh bien font aussi partie du problème, elle contribue même passablement à l'aggraver. Donc voilà, je cède la parole tout de suite à Philippe Biwix. Si on revient quelques mois en arrière sur la COP21, si vous regardez un peu le débat qu'il y a eu autour de la COP21, ça n'a jamais été un débat sur la question des solutions, ça a été un débat sur le fait qu'on était capable ou pas de se mettre d'accord pour y aller suffisamment vite, tous ensemble. C'était un débat politique sur la question de est-ce qu'on allait savoir mobiliser suffisamment de milliards de dollars ou d'euros pour effectivement mener une transition énergétique, mais il n'y a pas eu de débat sur la question des solutions. Par définition, les solutions techniques, les solutions technologiques sont là, ou ont été présumées étant là, et d'ailleurs, si vous vous souvenez, peut-être certains ont été visités, si vous êtes intéressé à ça, il y avait, je crois, c'était au Grand Palais de mémoire, il y avait une galerie des solutions, donc qui porte bien son nom, avec un certain nombre de grandes entreprises qui venaient expliquer que on avait tous les moyens technologiques pour sauver la planète. Bon. Alors si on regarde bien, comment est-ce que c'est possible en fait d'avoir cette espèce de dissonance cognitive, on dirait, c'est le mot qu'on peut employer, c'est-à-dire d'incapacité à réunir les deux. On est dans le cauchemar factuel, parce que celui-là il est réel et il est ici, mais chaque jour on nous promet des solutions. Alors c'est peut-être pas les solutions pour demain, on va dire c'est les solutions pour après-demain. Donc le bonheur était pour après-demain, mais à chaque fois on attend, les jours passent, et puis le bonheur est toujours pour après-demain. Alors on peut d'ailleurs un peu s'amuser à classer, c'est intéressant je trouve, pour essayer de se... un petit peu de... disons, ordonner, c'est déjà un petit peu comprendre. Donc on peut classer ces annonces dans différents types. Il y en a 3 à 4 en fait, on pourrait dire segments de marché de l'annonce technologique qui va sauver le monde. Alors la première, on pourrait appeler ça les utopies, parce que c'est des utopies, on va y venir ensuite, les utopies cornucopiennes, donc de cornucopia, la corne d'abondance, donc des solutions qui vont nous apporter l'abondance. Et donc ça, on en voit beaucoup. Alors tout à l'heure, quelqu'un me citait Hyperloop, voilà, donc on va avoir de la vitesse en abondance, et pas cher et écologique en plus. On va avoir évidemment tout ce qui est capacité à repousser des limites énergétiques. Si on avait des problèmes, moi vous avez compris, je me suis intéressé à la question des ressources minières. Bah, les ressources minières, les gens vous disent on va aller les chercher dans les océans, ça a commencé, il y a un premier permis pour chercher de l'or au large de la Papouasie qui est en route. Ou alors au pire on ira les chercher dans les astéroïdes, etc. Donc voilà, on a comme ça plein d'annonces sur la question des transports autonomes, de la voiture à hydrogène, de la fusion froide, des énergies renouvelables évidemment qui viennent là-dedans, ou dans une autre catégorie on pourrait mettre aussi une partie des OGM par exemple qui permettent de faire des biomatériaux, des choses qui vont comme ça éviter de consommer des ressources non renouvelables. Bon. Donc tout ce qui est la question des ressources, première catégorie. Deuxième catégorie, c'est la question qu'on pourrait appeler techno-esclavagiste, c'est-à-dire la capacité qu'on va avoir désormais grâce aux robots, grâce aux drones, grâce à l'intelligence artificielle, de remplacer du travail humain. Ça a d'ailleurs commencé, ça n'a pas commencé hier, puisque on pourrait dire que si vous regardez l'histoire de l'industrie, il y a eu une histoire de la productivité, donc a commencé plutôt avec des machines, avec la capacité à mettre de l'énergie pour démultiplier l'énergie humaine, et puis ensuite on va avoir de l'automation, voilà, des automates, des choses programmées, puis on va aller ensuite vers les robots, et demain on ira vers l'intelligence artificielle. D'ailleurs, cette utopie-là, hein, qui va du robot cuisinier jusqu'au robot chirurgien et au chirurgien qui vous opère par Internet, hein, ça commence d'ailleurs à se faire, on a sur ce volant-là de l'utopie, on a aussi des dystopies, c'est-à-dire des gens qui s'inquiètent un peu de ça, hein, parce que vous avez peut-être vu qu'il y a des annonces sur la question de est-ce que les robots qui prennent la place des êtres humains, hein, il y a des études un peu alarmistes, alors les économistes prennent ça avec des pincettes, mais il y a des études qui parlent de millions d'emplois, par exemple à l'échelle française, par exemple, détruits à horizon 2020-2025 par une vague massive de robotisation. Troisième type d'utopie, enfin, ou d'annonce scientifique, je dirais tout ce qui concerne l'homme augmenté, c'est toute la capacité qu'on a à repousser les limites, par exemple, de la médecine, enfin, repousser l'âge de la mort, etc. Et on va aller vers des choses de plus en plus dures, avec de l'interface homme-machine, le fantassin du futur, par exemple, et puis on va jusqu'à la capacité ultime à se télécharger, à télécharger nos cerveaux sur ordinateur et ou à se cloner indéfiniment ou avoir des pièces détachées et donc à être capable, hein, à terme de vaincre la mort. Hein. Donc si vous regardez un petit peu ce qui traîne là-dessus, hein, ce mouvement un peu transhumaniste, il y a des gens qui commencent à dire voilà, l'homme ou la femme qui vivra 1000 ans est déjà né, par exemple. Hein. C'est une manière un peu de poser comme ça sur la table une espèce d'utopie scientifique. On a tous les moyens de faire ça. Une dernière catégorie, ou qui serait peut-être une sous-catégorie de la question des ressources, c'est la question des utopies réparatrices. C'est-à-dire que, effectivement, comme on vit le cauchemar, comme on vit le cauchemar bien factuel, celui-là, la dégradation environnementale fait à peu près consensus, on voit apparaître des promesses technologiques pour réparer la planète. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on a toujours su repousser on va dire la pénurie, les risques de manquer d'énergie, de matériaux, etc. Malheureusement, ça s'est fait avec des conséquences environnementales. Les ingénieurs ne font pas des omelettes sans casser les œufs, et on a un peu cassé les œufs autour parce qu'il a fallu exploiter la planète de manière un peu extrême. Et donc aujourd'hui, on voit apparaître des choses avec les technologies de demain. Au lieu d'être polluantes, elles seront dépolluantes. Ce qui avait permis, je crois, à l'ancienne patronne du MEDEF de dire qu'un peu de croissance pollue, beaucoup de croissance dépollue. Et en fait, l'explication, c'est ça, c'est de dire il faut beaucoup de croissance, parce que certes, jusqu'à présent, elle a pollué, mais la croissance va permettre de faire des innovations technologiques supplémentaires, et ces nouvelles innovations technologiques, elles vont non plus être en capacité d'abîmer la planète, mais en capacité de la réparer. Alors, je vous donne un ou deux exemples, mais le premier exemple, c'est vous avez des biotechnologies, donc c'est la même chose que pour les OGM version pour les plantes, donc plutôt la version bactérie, et on va inventer, enfin où on va exprimer des bactéries mutantes qui vont pouvoir, par exemple, manger la pollution des sols. Donc vous avez un sol qui est pollué durablement, je ne sais pas, avec des métaux lourds ou avec des polluants organiques persistants, des pesticides, je ne sais pas quoi, vous allez avoir des bactéries modifiées, des gentilles bactéries modifiées qui vont comme ça manger la pollution des sols. Voilà. C'est un exemple parmi d'autres. Dans les utopies réparatrices, vous allez aussi avoir, par exemple, le retour du mammouth. À quoi rêvent les scientifiques? Et donc c'était ressusciter les mammouths, pourquoi faire? Voilà. Alors, effectivement, pourquoi faire? Ben, pour montrer en fait qu'on est rentré dans une logique réparatrice et que si on est capable de ressusciter le mammouth, alors qu'à la fois l'intérêt d'être assez sympathique d'une part et avoir un peu d'ADN qui est en train de se dégeler dans le pergélisol, ben, à ce moment-là, à quoi bon maintenir les derniers rhinocéros en vie? À la limite, peu importe, gardons quelques embryons, gardons un peu d'ADN et on sera capable un jour, à terme, de reconstruire tout ça. D'accord? A priori, si vous pouvez regarder et faire le test cette semaine, il y aura forcément 3-4 annonces comme ça sympathiques, parce que le nombre d'ingénieurs et de chercheurs en recherche de financement dans le monde augmente de manière exponentielle lui aussi. Donc il faut faire des effets d'annonce, et comme tout le monde reprend un peu les trucs sans se poser des questions, vous verrez, ça tombe très régulièrement. Amusez-vous, vous verrez que vous pouvez classer à peu près certainement n'importe quelle annonce scientifique dans une de ces 3 ou 4 catégories. Alors là, je vous avais ramené, j'aime bien maintenant me promener avec ça quand je fais les conférences. Alors, c'est la recherche, Donc la recherche, tout le monde connaît la recherche. Alors vous voyez ici, donc c'est Terre en vue. Notre galaxie abrite des milliards de planètes habitables. Donc vous voyez en fait, pourquoi s'embêter à protéger la planète sur laquelle on vit, puisqu'on en a une chacun. Des milliards de planètes habitables. Donc c'est juste une question d'air. Évidemment, une fois que vous allez à l'intérieur, vous voyez bien que ça va quand même être difficile d'y aller. Mais c'est une annonce quelque part cornucopienne, parce que ça revient à dire on a tout l'univers devant nous, il n'y a pas de limite à la croissance, il n'y a pas de limite au développement, il n'y a pas de limite à la technologie. Et puis ce qui était marrant, c'est pour ça que ça m'avait beaucoup frappé, c'était que sur cette même couverture, pour attirer un petit peu le client, il y avait un deuxième, il y avait un sous-titre, et là le sous-titre c'était « Vive 140 ans du fantasme à la réalité ». Donc vous voyez que là on trouve une des deux autres composantes de l'utopie qui est, en gros, l'utopie de l'homme augmenté et de la capacité à repousser l'âge de la mort. Alors, qu'est-ce qu'on fait de tout ça une fois qu'on a dit qu'on vivait donc dans ce rêve? En fait, quand on regarde un petit peu, quand on remonte dans le passé, on s'aperçoit que ces annonces technologiques, elles ont toujours été là. En fait, elles ont toujours été là depuis on peut remonter jusqu'au XVIe siècle, jusqu'à Francis Bacon, la Nouvelle Atlantide, et dès la Nouvelle Atlantide, au XVIe siècle, Bacon nous annonce que la technologie, alors je ne sais plus s'ils emploient exactement ce mot-là, mais en gros la technique, le développement de la technique va permettre d'aller vers un monde idéal, qui sera d'ailleurs socialement aussi, évidemment, et politiquement idéal. Alors, faisons un peu le compte à rebours, bon, remontons simplement aux années 50, par exemple, dans les années 50, si vous ouvrez les revues de vulgarisation scientifique des années 50, vous avez tout le miracle du nucléaire avec les voitures. Les voitures et les grille-pains seront nucléaires, les voitures seront même volantes. On retrouve des textes assez sympathiques où on explique que les plus pauvres seront obligés de voler dans des vols hypersoniques collectifs, parce qu'évidemment les plus riches, eux, auront leur fusée personnelle, et donc ce sera les pauvres qui seront dans la bétaillère hypersonique. Voyez. Ça, c'est des trucs qu'on trouve dans les années 50. Bon. Dans les années 70, avec le Concorde, les Concordes devaient sillonner le ciel, etc. Bon. Puis vous pouvez remonter comme ça jusqu'au 19e siècle. Au 19e siècle, vous avez avec le développement de la chimie, par exemple, il y a des gens qui expliquent qu'ils vont résoudre le problème de la faim dans le monde. Hein. Au 19e siècle, il y a déjà des famines, hein, parce que les colonies sont passées par là. Et on va résoudre la faim dans le monde avec la chimie. Et on va fabriquer la nourriture. Et il y a comme ça plusieurs auteurs qui s'emballent et qui expliquent qu'on va résoudre tous les problèmes. Alors ce qui est assez rigolo, c'est qu'on nous dit exactement la même chose aujourd'hui, puisque la chimie et la biologie moléculaire aujourd'hui nous expliquent qu'on va imprimer les steaks. C'est soutenu même par une frange, disons des écolos, on pourrait dire, puisque ça permet de résoudre le problème de la condition animale. Si j'imprime le steak, je peux manger de la viande sans torturer des animaux dans les abattoirs. Donc c'est exactement la même perspective enthousiaste et qui ne se réalise pas. Si on prend le transhumanisme, pour ceux qui ont à peu près mon âge, donc j'arrive vers les 45 ans, c'est pour ça que j'ai mes notes devant moi, sinon j'oublie. Quand j'étais adolescent, à télévision, il y avait l'homme qui valait 3 milliards. Je ne sais pas si ça dit quelque chose. Hein. Bon, voilà, donc c'est l'homme augmenté, il est déjà là dans les années 70. Et puis si vous remontez un peu, vous pouvez aller jusqu'en 1818, quelque chose comme ça, c'est Marie Shelley, c'est Frankenstein. Hein, j'ai repoussé l'âge de la mort, bricoler l'être humain, etc. Donc vous avez déjà toute la dimension des utopies et des dystopies qui est présente. Alors qu'est-ce qui change aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on a l'impression d'avoir cette espèce d'incroyable vague permanente de promesses technologiques et que c'est presque crédible parce qu'on a envie d'y croire. On a tous envie d'y croire de la même manière que dans les années 50, tout le monde avait envie de croire à la paix nucléaire, le programme Atom for Peace d'Eisenhower et le fait que grâce à l'énergie nucléaire qui allait devenir gratuite, on allait faire plein de choses. On a envie d'y croire parce que il y a cette fameuse loi de Moore, vous savez, c'est cette loi empirique, vous savez, qui n'a pas été démentie à ce jour, même s'il y a aujourd'hui des débats sur la capacité à continuer le développement exponentiel, qui veut grosso modo, pour faire simple, qu'on arrive à doubler la capacité de calcul des puces électroniques au silicium. Et vous savez que par exemple, le produit qui est le plus manufacturé sur Terre, c'est le transistor silicium. Donc on en fabrique 8000 milliards par seconde. C'est l'objet manufacturé sur Terre le plus fabriqué. 8000 milliards par seconde, c'est-à-dire que chaque année, on en fabrique à peu près de l'ordre de 10 puissance 20, 10 suivi un nombre 0, sachant que le nombre d'étoiles dans l'univers est estimé à 10 puissance 22, c'est-à-dire quelque chose comme 1000 milliards d'étoiles dans 1000 milliards de galaxies ou quelque chose comme ça. Voilà, donc Ce truc incroyable qui fait qu'aujourd'hui, vous avez dans votre poche un microprocesseur qui a une puissance de calcul qui est plus grande que les supercalculateurs des années 70. Et bien effectivement, si vous projetez cette courbe exponentielle, forcément une exponentielle, elle finit toujours par monter jusqu'au ciel. Et donc, en poursuivant cette courbe, on peut s'autoriser tous les délires. Et donc on va aller jusqu'à Ray Kurzweil, peut-être certains d'entre vous connaissent, hein, qui a été embauché comme directeur scientifique de Google il y a quelques années, et qui lui, projette l'exponentielle, et il dit du coup, quelque part entre 2030 et 2040, on va avoir des capacités de calcul qui vont excéder largement l'ensemble des capacités cognitives, humaines, etc., et on va atteindre ce qu'on appelle un point de singularité, lui parle de point de singularité, et où on va en fait avoir, les machines vont être plus intelligentes que les humains, et on va se mettre à interagir ensemble, et y a même des gens qui, comme Joël de Ronet, par exemple, qui explique qu'on va vivre en symbiose avec la machine et qu'on va avoir une humanité qui sera symbiotique avec les machines et que les machines, elles, seront dans un Internet aussi, bon, avec des trucs un peu effrayants qui semblent beaucoup les enthousiasmer parce qu'effectivement, avec ça, il y a en plus le fait de repousser l'âge de la mort et de devenir même éventuellement immortel. Kurzweil, il dit qu'il va dupliquer même les versions de cerveau. Donc, en gros, c'est vous avez un week-end après... voir chez votre belle-mère, vous faites un backup sur votre disque dur au cas où ça se passe mal et puis vous allez pouvoir le lundi recharger le truc s'il y a besoin. Donc lui, il va vraiment très très loin. Mais ces gens-là sont sérieux, ils ont de l'argent et ils mettent beaucoup d'argent sur toutes ces recherches. Alors le problème de la loi de Moore est de projeter comme ça ces utopies, et c'est là qu'on en vient un peu au cœur de mon sujet, ça fonctionne malheureusement que très partiellement parce qu'on oublie un certain nombre de... On oublie ou on occulte un certain nombre de sujets. Alors, je vais en citer trois. Il y en a d'autres qui permettent de contrer chacune des utopies, pied à pied, si je puis dire. La première, c'est la question des macro-systèmes, on pourrait dire des macro-systèmes techniques, c'est-à-dire les réseaux qui permettent le fonctionnement de notre société. Internet n'est pas un système dématérialisé. Il s'appuie sur des réseaux bien matériels et bien sonnants et trébuchants, que sont évidemment les câbles, les serveurs, les routeurs, etc., mais que sont aussi, évidemment, les centrales électriques, les routes, les capacités des techniciens à mettre de l'essence dans leur voiture quand il n'y a pas grève pour aller dépanner tel ou tel site, des bateaux qui doivent atteindre des ports pour dérouler des câbles océaniques, etc. Et donc, on vit enchâssé comme ça dans des macro-systèmes techniques, et c'est très compliqué de remplacer un système par un autre. On peut ajouter un système à un autre, c'est ce qu'on a fait avec Internet. C'est vrai que le déploiement des télécoms a été fulgurant. On peut se dire, en l'espace de 10, 15, 20 ans, on a fait un déploiement de télécoms à une vitesse incroyable, mais on a rajouté un macro-système sur un autre. On n'a pas remplacé un système. Et donc, quand par exemple, on va aller chercher des sujets sur l'économie hydrogène, par exemple celle de Rifkin, qui est sur une logique de dire on va faire des énergies renouvelables, on sera tous producteurs et consommateurs d'énergie renouvelable, et entre les deux, il y aura ce qu'il appelle des smart grids, des grilles intelligentes, qui vont équilibrer l'offre et la demande, et on va stocker une partie de l'énergie excédentaire sous forme d'hydrogène, ça demande de remplacer un macro-système basé sur le pétrole et sur le gaz en un macro-système basé sur l'hydrogène, et pour plein de raisons, c'est beaucoup plus difficile de faire ça que de planter quelques milliers d'antennes, par exemple, pour déployer un réseau de téléphones mobiles. Bon. Deuxième reproche qu'on pourrait faire à ces utopies, c'est le fait et là encore, les télécoms donnent un très mauvais exemple, c'est que, grâce à la loi de Moore, là aussi, on a la capacité finalement à avoir tout, non pas gratuit, mais pas très cher. Et donc, on a un accès presque universel aux services. C'est-à-dire finalement, aujourd'hui, il y a même ces phénomènes, vous savez, en Afrique, où les gens aujourd'hui ont accès à des services de télécom, mais aussi des services bancaires, par exemple, grâce à la téléphonie mobile, alors qu'ils n'avaient pas accès forcément avant, parce que ça aurait été trop compliqué de déployer un réseau de cuivre, par exemple. Donc on a l'impression qu'en fait, toute nouvelle technologie, toute annonce, va être suivie, finalement, de son universalisation, et qu'on aura tous droit à ça. Or, rien n'est moins vrai. Ça marche peut-être dans les télécoms, mais il y a plein de contre-exemples à ça aussi. Prenez par exemple l'aviation. L'aviation, même si ça s'est relativement démocratisé, on pourrait dire, au moins à l'échelle, je ne sais pas, européenne ou occidentale, ces dernières années avec le low cost, l'aviation, ça a été inventé dans les années 30 et 80 ou 90 ans plus tard, il n'y a encore que 8%, je crois, de la population mondiale qui est déjà montée une fois dans un avion. Donc on voit bien qu'il n'y a pas forcément la question, à un moment, la question économique, elle rentre dans le jeu aussi, Parce qu'on n'est pas, la vraie vie, elle n'est pas juste dans des disques durs avec de la loi de Moore. Et donc, venons-en à la question, par exemple, transhumaniste. On voit bien que, à l'horizon de quelques années, on voit bien qu'on pourra tous avoir, je ne sais pas, un truc dans l'oreille qui permet de traduire d'une langue à l'autre et que ça ne sera pas très cher et que tout le monde pourra se le payer. Mais ce n'est peut-être pas la même chose pour la question de repousser l'âge de la mort jusqu'à 1000 ans. Et là, est-ce que tout le monde pourra se le payer ou ne pourra pas se le payer? Et est-ce que c'est souhaitable, d'ailleurs? Troisième contrainte, c'est la contrainte des ressources, évidemment. C'est-à-dire que quand on regarde chacune de ces utopies, et en particulier les utopies cornucopiennes, mais d'une certaine mesure aussi les utopies robotiques, en tout cas, il y a une question qui n'est pas traitée, qui est la question des ressources non renouvelables. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une ressource non renouvelable? Pour faire simple, on va dire que c'est une ressource minière, pas des métaux très répandus, comme par exemple le fer ou l'aluminium. Vous savez qu'il y a à peu près 5% de fer et 8% d'aluminium dans la croûte terrestre. Donc ça, on ne devrait pas trop tomber en panne. Il y a une question énergétique pour transformer le minerai en métal, mais c'est tout. Par contre, pour à peu près tous les autres métaux, ce sont des métaux plus rares à l'échelle géologique, on a une question qui est la suivante. C'est-à-dire que de la même manière qu'on a, on a énormément d'énergie fossile, hein, vous savez qu'on a, on a du pétrole, on a du gaz, alors on sait qu'il y a des tensions qui peuvent apparaître ici et là, mais globalement on a trop de ressources énergétiques fossiles pour ce que peut se permettre le climat de la planète, on le sait bien, c'est bien tout le sujet. Mais la qualité et l'accessibilité de ces ressources est en baisse. C'est-à-dire que c'est de plus en plus compliqué et c'est de plus en plus difficile, y compris énergétiquement, d'aller chercher ces ressources. C'est-à-dire que si je suis à forer du pétrole en Alaska ou dans l'Arctique, c'est plus compliqué que de le forer au Moyen-Orient. D'accord ? Si je veux faire des gaz de schiste, eh ben, il faut que je creuse plus de puits pour le même nombre de mètres cubes de gaz que je vais sortir, parce que il est plus diffus, c'est plus compliqué, il faut injecter des choses, récupérer de l'autre côté. Donc, on a plein de choses à notre disposition, mais c'est de plus en plus complexe, de plus en plus profond et de plus en plus difficile à aller chercher. Dans les ressources minières, c'est la même chose. On a aussi énormément de ressources minières, potentiellement. Donnez-moi l'argent, me disent les géologues, donnez-moi l'argent nécessaire pour aller chercher des ressources minières et j'irai vous les chercher. C'est une question de coût. Hein, pour vous donner un exemple, quand on est dans une mine de cuivre, on va plutôt récolter 10 à 20 kilos de cuivre dans une tonne de minerai. Et quand je suis dans une mine d'or, je vais récolter de 1 à 5 grammes d'or par tonne de minerai. Donc, vous voyez, l'entreprise minière qui a été chercher 10 ou 20 kilos de cuivre dans un cas et qui a été chercher 5 grammes dans l'autre, ben voilà, je peux demain aller chercher du cuivre à 5 grammes par tonne si vous le voulez. Simplement, il va falloir que vous me payiez plus cher. Pourquoi je me permets d'aller chercher quelques grammes par tonne de minerai, hein, c'est-à-dire que pourquoi je fais ça? Parce que vous êtes capable de payer l'or plus cher, vous, consommateurs, que le cuivre. Le problème, c'est que pour aller chercher des ressources qui sont de moins en moins concentrées, pourquoi elles sont de moins en moins concentrées? Parce que nos ancêtres n'étaient pas stupides, ils ont commencé par piocher dans le stock qui était le plus facilement accessible, qui était le plus concentré, qui était le plus disponible. Et heureusement pour eux, parce qu'ils n'avaient pas forcément accès à toutes les machines auxquelles nous, on a accès aujourd'hui. Et aujourd'hui, les entreprises minières, elles aussi, quand elles ont le choix entre deux stocks possibles, elles vont aller taper dans le stock le plus facile. Donc, il y a quelques milliers de mines dans le monde, on va dire. Chaque année, il y en a un certain nombre qui ferment. Chaque année, il y en a un certain nombre qui ouvrent pour accompagner la croissance. Celles qui ouvrent ont une teneur métallique moindre que celles qui ferment. Donc, on est comme ça sur une espèce de courbe asymptotique pour pas mal de métaux. Bon, il y a d'autres problématiques géologiques sur lesquelles j'ai pas vraiment le temps de rentrer ce soir, mais voilà. Et on est comme ça en pente descendante. Voilà. Alors, on pourrait dire tout ça, c'est pas très grave, parce que là aussi, hein, innovation technologique fait que je vais réussir à aller chercher des choses comme ça. Sauf que ça, c'est lié. C'est-à-dire que du côté du volet énergétique, j'ai besoin d'injecter de plus en plus de matière pour récupérer une énergie de moins en moins concentrée. J'ai une grosse plateforme pétrolière dans l'Arctique où j'ai plein de puits de gaz de schiste, là où hier j'avais tranquillement un derrick très simple au Moyen-Orient. Et sur le volet minier, là aussi j'ai donc beaucoup de ressources, sauf qu'il va falloir que j'injecte de plus en plus d'énergie pour récupérer la même quantité de métal. Parce qu'il faut que j'aille le chercher plus profondément, ou parce que la teneur métallique est plus basse, et donc il va falloir que j'extraie 100 tonnes de minerai au lieu de 50, par exemple, si le cuivre est concentré à 1% au lieu de 2%. Et donc on a une espèce de cercle vicieux, si vous voulez. Si j'avais qu'un problème d'énergie, et que j'avais pas de problème de métaux, je pourrais faire le monde à la Rifkin, le monde de la COP21, on pourrait dire. C'est-à-dire, je fais des énergies renouvelables massivement. Effectivement, théoriquement, je reçois 6000 fois ce que j'ai besoin chaque jour. Et donc, il suffit d'installer des panneaux solaires, des éoliennes et des hydroliennes et quelques trucs en plus. OK, sauf que je ne vais pas avoir les matériaux pour ça. Et réciproquement, si j'avais qu'un problème de matériaux, mais que j'avais une énergie infinie, pour dire l'énergie de la fusion, eh ben, je pourrais aller continuer à taper toujours plus profondément ou dans des réserves qui sont de plus en plus mauvaise qualité. Sauf que j'ai le même problème en même temps et qu'ils interagissent l'un l'autre. C'est cette contrainte-là, si vous voulez, qui fait pour moi l'énorme problème, c'est que effectivement, quand on va aller regarder chacune des solutions, je veux dire, eh bien, elles vont heurter séparément ou de manière combinée, mais la finitude de la planète d'un point de vue minier. Et ce n'est pas le fait qu'il n'y a plus rien, c'est le fait que ça devient trop difficile, trop cher, trop compliqué à aller chercher. Alors une fois qu'on a dit ça, il y a quand même un volet qu'on oublie, c'est la question du recyclage. Parce que la grosse différence entre le pétrole qui est de plus en plus difficile à extraire et le cuivre ou le nickel ou que sais-je, ou l'argent qui est de plus en plus difficile à extraire, c'est que le pétrole, je le sors, je le brûle, ça va me poser un sujet climatique d'ailleurs, mais une fois qu'il est brûlé, il est parti pour toujours. Alors que si j'extrais une tonne ou un kilo de cuivre, certes je l'ai sorti, mais cette fois le cuivre il est pas perdu. Je le brûle pas et il va servir dans des câbles de bâtiments, de voitures, dans les objets, dans tous nos objets du quotidien. Et donc, c'est là qu'entre en jeu la question de l'économie circulaire, c'est-à-dire de dire finalement, je peux résoudre mon problème métallique, mon problème de ressources non renouvelables, tout ce qui est non renouvelable, je vais le gérer, je vais le régler avec du recyclage. C'est-à-dire que je vais installer plein de panneaux solaires ou d'éoliennes. En fin de vie, je vais récupérer ces éoliennes et je vais faire du recyclage. Et donc, en théorie, comme ça, je peux fonctionner longtemps, puisque, vous savez, contrairement, les plastiques, par exemple, finissent par se dégrader. À force de les chauffer, les refondre, les polymères, les chaînes de polymères finissent par se casser un petit peu et tout, ça se dégrade. Donc, on peut les recycler en fonction des plastiques 2, 3, 4, 5, 6, 7 fois. Les métaux, eux, eh ben, je peux les refondre, ils n'ont pas de perte de qualité. Donc ils sont recyclables en théorie à l'infini, donc c'est génial pour faire de l'économie circulaire. Sauf qu'on va avoir deux problèmes énormes qui font qu'on ne peut pas faire de l'économie circulaire non plus avec les métaux, et c'est là donc qu'on va avoir un gros sujet. La première raison, c'est le fait qu'on a des usages dispersifs ou dissipatifs, c'est-à-dire que pour recycler, encore faut-il pouvoir récupérer la ressource en fin de vie. Et il y a plein de cas où on ne va pas utiliser les métaux sous leur forme, disons, métallique, oui, la barre, je sais pas, ou la portière de voiture, mais on va l'utiliser sous forme chimique ou sous forme dispersée dans plein de produits différents qui vont servir à faire des colorants, à faire des pesticides, enfin des fongicides, à faire des retardateurs de flamme, des choses pour que vos appareils électroniques ne brûlent pas, etc. Donc, un exemple, je vais prendre un exemple emblématique, qui est le titane. Le titane est recyclé seulement à 5%, la partie métallique. Parce qu'il y a 95% du titane qui est utilisé sous forme de colorant blanc, donc que vous allez retrouver dans les crèmes solaires, dans les dentifrices, dans les peintures, dans les tissus, dans les sièges. Voilà. Donc toute cette partie-là, elle ne va déjà pas être récupérable. Donc on ne va pas pouvoir recycler à 100%. Or, le monde dans lequel on vit, évidemment, qui a conçu plein d'objets différents, fait qu'on a une multiplicité comme ça d'usages. Alors, le titane à 95% non récupérable, il est un peu extrême, mais on a facilement 5, 10, 15, 20, 25%. Des métaux qui sont comme ça utilisés, je ne sais pas si vous voulez être vraiment écolo, par exemple, il faut mieux imprimer en noir et blanc parce qu'il y a des chances que dans les encres couleurs, vous ayez des métaux qui servent à faire les couleurs bleu, rouge, vert, jaune, etc. La deuxième contrainte, c'est la contrainte de la complexité. C'est-à-dire que la plupart des métaux ne sont pas utilisés sous leur forme pure. Donc, je ne sais pas, prenez un tuyau de cuivre qui sert en plomberie, bah, vous allez recycler votre tuyau de cuivre en fin de vie, c'est assez simple. Mais on n'utilise pas le cuivre toujours sous sa forme de cuivre, on va le mélanger avec plein d'autres métaux, on va faire des alliages, on va faire des produits très complexes, et avec des dizaines de milliers de références différentes, des produits qui sont de plus en plus miniaturisés, intégrés. Évidemment, l'extrême de ça, ça va être le smartphone, qui va contenir 40 métaux différents. Et donc, quand mon smartphone va arriver en fin de vie, je ne vais pas réussir à le recycler correctement. Parce que je n'ai pas la capacité technique à traiter en métallurgie, si vous voulez, l'ensemble des composants de ce smartphone. Alors en fait, en pratique, pour vous donner une idée, déjà le smartphone en général, il faudrait déjà qu'il soit récupéré comme un déchet électronique, ce qui n'est pas gagné, parce que dans un certain nombre de cas, il va rester dans un tiroir ou il va partir en décharge ou dans un incinérateur, s'il a été jeté, disons, pas vraiment proprement. Et ensuite, ce qui est déchet électronique, il y en a une partie qui va être exfiltrée au Ghana, en Chine ou ailleurs, qui va être recyclé de manière ce qu'on appelle informelle. Grosso modo, ils vont le brûler un peu pour récupérer l'or du microprocesseur. Et ceux qui seront vraiment correctement récupérés, donc on commence à en avoir plus beaucoup, ils vont aller dans des usines, dans quelques usines de classe mondiale. Et là, on va récupérer une dizaine, une quinzaine de métaux différents sur les 40 que contient le smartphone, mais seulement une partie, parce qu'on va récupérer la batterie, on va sortir l'écran, on va récupérer le microprocesseur, mais on ne va pas pouvoir tout traiter. Plus nos produits vont être petits, vont être miniaturisés, plus ils vont être enrichis en électronique, et plus ça va être un cauchemar en fin de vie. Et c'est ça qui explique qu'il y a beaucoup de métaux. Vous savez qu'on utilise aujourd'hui une soixantaine de métaux différents, dont les fameuses terres rares, qui ne sont pas si rares que ça, mais qui sont un peu emblématiques des nouvelles technologies. Et il y a 30-40 ans, on utilisait, on va dire, 20, 25, 30 métaux différents, pas 60. Donc on s'est mis en fait à raffiner, si vous voulez, des petits métaux, qui étaient juste des impuretés des grands métaux autrefois, et on les utilise dans tous nos objets un petit peu compliqués. Tous ces métaux-là, enfin, une grande partie de ces métaux-là sont recyclés à moins de 1%. Et la raison, c'est pas parce qu'on est des grands méchants, c'est parce qu'on n'y arrive pas. Parce qu'on n'arrive pas à récupérer les quelques nanogrammes ou picogrammes ou milligrammes de tel ou tel métal qu'on va avoir dans un smartphone planqué au milieu de la mémoire vive ou autre. Et donc, gros problème, parce que toute la croissance verte, en tout cas une grande partie des solutions qu'on nous propose, des solutions technologiques qu'on nous propose pour lutter contre le changement climatique, en fait, vient accélérer ces phénomènes. Deux exemples, si vous prenez une voiture, par exemple, qu'est-ce qu'a besoin de faire une voiture ? Une voiture, elle a besoin de rouler toujours aussi vite et d'être toujours aussi solide. Et on a besoin en même temps qu'elle émette de moins en moins de CO2, qu'elle consomme de moins en moins d'énergie. Ben pour faire ça, on va devoir alléger la voiture. Et pour alléger la voiture, qu'est-ce qu'on va faire ? On va mettre des aciers, faire des aciers qu'on appelle les aciers spéciaux, les aciers amendés. On va rajouter des petites poutres de perlimpinpin, du titane, du tungstène, du vanadium, plein de choses un peu bizarres. Et on va venir les mélanger. Alors, ils ont été extraits dans des mines à différents endroits. Et on va venir les mélanger dans la portière de voiture, si vous voulez, pour faire une voiture plus légère. Donc, il sera aussi solide, mais qui consommera un peu moins. Voilà. Donc, on a pris le critère du changement climatique. C'est bien, la voiture va consommer moins. Sauf que, en même temps, on va du coup accélérer l'utilisation de matières rares. Et on va ensuite mal les récupérer, puisqu'en fin de vie, la voiture, qu'est-ce qui va lui arriver ? Elle va être broyée. Tout va être broyé en même temps, hein. On enlève un peu les sièges avant, la batterie, deux, trois trucs, et puis le reste va être broyé. Donc dedans, on va retrouver ma portière qui était un peu dopée avec quelques trucs bizarres. On va retrouver les fils électriques de votre rétroviseur, et puis on va retrouver quelques petits morceaux de terre rare dans les moteurs qui servent à faire bouger tel et tel truc. Tout ça va être broyé ensemble et va être mis dans un four électrique. Et ensuite, ça va partir en acier, parce que c'est quand même avant tout de l'acier, bas de gamme, qui va servir à faire ce qu'on appelle des ronds à béton, c'est-à-dire du ferraillage dans le bâtiment. Donc vous voyez, il y a une espèce de machine un peu anthropique au sens de l'augmentation de l'entropie, c'est-à-dire qu'on va sortir, on va prendre des choses que la planète a mis des millions ou des milliards d'années dans un certain nombre de cas, en tout cas des centaines de millions d'années, à concentrer à certains endroits spéciaux, parce que la planète est vivante au sens de la tectonique des plaques, au sens de l'érosion différentielle, de l'eau, de l'oxygène, qui va venir en fait concentrer un certain nombre de minerais. Ben on va prendre ça et on va mélanger ça ensemble, et puis en quelques années, à la fin du cycle de vie de la voiture, on aura physiquement recyclé mon atome de vanadium qui était planqué dans ma portière que j'avais extrait quelque part d'une mine au Brésil. Il est toujours là, mais il est fonctionnellement perdu. Je ne pourrai jamais le réutiliser parce que il est mélangé de la même manière que tout à l'heure mon atome de titane, lui, était parti dans l'océan après être passé par sans doute par une station d'épuration quand j'ai craché mon dentifrice. D'où le problème de la croissance verte, de cette croissance verte en tout cas un peu high-tech, où on dit voilà, j'ai des solutions parce que je vais résoudre le problème. En fait, non, on est en train d'enrichir le truc. Alors, il y a plein d'autres exemples. On pourrait prendre le bâtiment. Dans le bâtiment, qu'est-ce qu'on essaye de faire ? C'est un peu comme les voitures. On essaie de faire des bâtiments qui émettent de moins en moins de CO2, donc qui consomment de moins en moins d'énergie. Mais on veut que la température de confort soit toujours la même à l'intérieur du bâtiment. Pour faire ça, j'ai pas 36 solutions, il faut mieux isoler le bâtiment, et je vais enrichir le bâtiment en capteurs, en servomoteurs pour bouger les stores, pour pouvoir fermer les stores quand il y a le soleil, pour avoir moins besoin de climatiser, etc. Et donc je vais enrichir en électronique mon bâtiment et en équipement. Et donc évidemment, qui dit électronique, comme on a vu tout à l'heure, dit grosse contrainte en fin de vie. Vous écoutez Radio Zinzine, c'est l'émission Racine de, Racine de moins 1. Cette fois-ci, on écoute Philippe Biwix, un ingénieur qui nous parle des la réfaction des métaux, les problèmes énergétiques dus à leur extraction, et le tout dans la perspective de la transition énergétique et du développement des énergies renouvelables. Voilà, Philippe Biwix va continuer sa petite conférence en parlant des basses technologies. En anglais, on appelle ça low-tech, en opposition au high-tech. Donc, il va évoquer différentes solutions. On lui laisse la parole tout de suite pour encore un quart d'heure. Voilà, donc c'est ça qui m'a amené à, disons, à prendre le pied de nez low-tech. C'est pas une religion technophobe, et c'est juste une manière de voir, c'est une manière d'alerter sur le fait que si on réfléchit high-tech en permanence, si on réfléchit solutions technologiques par rapport à nos désordres actuels, on va heurter un problème de ressources qui d'ailleurs nous rattrapera par le volet énergétique, comme on l'a vu tout à l'heure. Alors qu'est-ce que ça peut vouloir dire exactement low-tech si on rentre un petit peu dans le concret? Il n'y a pas de label low-tech ou pas low-tech, on ne peut pas définir un objet que soit low-tech ou pas low-tech, c'est plutôt une démarche, et cette démarche, elle consiste d'abord à se dire qu'il va falloir changer un peu de braquet, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de solution technologique, je répète, à la consommation actuelle d'énergie et de ressources. On ne peut pas maintenir le niveau de consommation d'énergie et de ressources actuelles grâce à des technologies. Je ne peux pas à la fois sortir des énergies fossiles, virgule sortir du nucléaire, virgule déployer des énergies renouvelables, et tout ça, grosso modo, juste en éteignant bien en fermant bien le robinet quand je me lave les dents et en mettant bien mes canettes dans la bonne poubelle. Ça ne marche pas, ça ne suffit pas. Il n'y a pas de solution, parce que, à nouveau, on finit par heurter un sujet de ressources. Donc changer de braquet. Et se poser en fait trois questions. La première question, c'est pourquoi est-ce que je produis ? La deuxième, c'est qu'est-ce que je produis ? La troisième, c'est comment je produis ? Alors pourquoi je produis ? Eh bien, c'est toute la question de la sobriété. C'est-à-dire que je ne suis pas contre les énergies renouvelables, je suis même plutôt pour les énergies renouvelables. Je suis contre le fait de croire que les énergies renouvelables vont pouvoir nous permettre de maintenir notre niveau de vie, de mobilité, de dépenses énergétiques actuelles, grosso modo. Et voire même de l'étendre à une partie de la planète qui n'y a pas accès aujourd'hui, par ailleurs. Hein. Donc, c'est de se dire, non, il faut réfléchir à faire de la sobriété. Alors, évidemment, quand on dit ça, il y a toute la question des moyens et de la manière de faire. On pourra peut-être y revenir si vous avez des questions là-dessus, même si j'ai pas... Là, je sors de mon domaine d'expertise si on part sur la question sociale, mais en tout cas, d'un point de vue technologique, il faut effectivement baisser d'une manière ou d'une autre notre consommation d'énergie et de ressources. Alors, vous pouvez ouvrir la boîte de Pandore, ça peut aller du truc le plus simple, c'est-à-dire en gros, pourquoi est-ce que j'ai besoin des prospectus publicitaires, j'en imprime 1 million de tonnes par an, personne n'en a besoin, ça bourne aux boîtes aux lettres, bon, c'est le truc un peu anecdotique et très simple. Est-ce que j'ai besoin d'avoir des bouteilles d'eau? Est-ce que finalement ça m'apporte vraiment quelque chose? Et puis vous pouvez aller très très loin, c'est-à-dire vous pouvez, par exemple, dans le domaine automobile, bah, vous avez compris que la voiture propre n'existe pas. Hein. Elle ne peut pas exister, la voiture propre, c'est un oxymore. Parce que quand bien même elle serait énergétiquement propre, ce qui n'est pas possible, la voiture elle-même n'est pas propre, parce qu'elle va consommer des ressources que je n'arriverai pas à recycler. Elle va user ses pneus dans lesquels il y a aussi du zinc ou du cobalt. Son pot catalytique va émettre quelques nanogrammes de platine par kilomètre parcouru. Il y a plus de platine dans le périphérique parisien que dans les mines de Russie, par exemple. Malheureusement, seulement sur quelques mètres carrés. Donc, ça ne nous permettra pas d'ouvrir des mines sur le périphérique. Mais donc, la voiture propre n'existe pas. Donc, la voiture propre, c'est le vélo. Et malheureusement, on sait bien qu'on ne peut pas passer au vélo demain matin, parce que l'urbanisme qui s'est organisé autour de la voiture ne le permet pas. Mais il faudrait aller vers ça le plus vite possible. Alors, le plus vite possible, je ne sais pas ce que ça veut dire, c'est peut-être quelques décennies. Et en attendant, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut baisser drastiquement et progressivement la vitesse des voitures et leur poids. Et d'ailleurs, si vous baissez la vitesse, vous pouvez baisser le poids, et réciproquement, et vous allez avoir un double effet positif. Alors vous allez me dire, c'est affreusement liberticide de dire décréter, par exemple, que la puissance publique décrète au 1er janvier 2018 qu'aucune voiture ne sera immatriculable en France ou je sais pas, en Europe de plus d'une tonne, et puis l'année d'après, vous dites 995 kg, et puis l'année d'après, vous voyez ce que je veux dire, et puis 10-20 ans plus tard, vous avez une voiture à 500 kg qui consomme moins d'un litre au 100. Vous avez bien progressé par rapport au gros 4x4, même hybride. Alors ça, c'est liberticide, évidemment. C'est une puissance publique qui décide à un moment de faire ça. Moi, mon sentiment est qu'en fait, on vit déjà dans un monde liberticide. Alors pas juste depuis les attentats, mais parce qu'à un moment, la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres et que c'est normal que la puissance publique fixe un certain nombre de règles. Alors pour reprendre la voiture, à un moment, je ne peux pas me payer un char d'assaut d'occasion de l'armée française et rouler sur le périphérique avec ce char d'assaut. C'est interdit. Donc c'est liberticide, ma liberté individuelle a été entravée, mais voilà. Donc on pourrait très bien décider que, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, je ne sais pas, le permis B c'est 3,5 tonnes, le permis B ça pourrait être 953 kilos, et après tout, si on l'a décidé démocratiquement, pourquoi pas. Un autre exemple un peu extrême, dans le bâtiment, le bâtiment fait consensus. Dans tous le spectre politique, le bâtiment, l'idée c'est de faire des économies d'énergie, donc on va isoler les bâtiments. Donc on fait un grand programme de rénovation thermique des bâtiments. Si on arrivait à suivre le programme actuel, enfin les ambitions actuelles des lois de transition énergétique en termes de nombre de rénovations de logements par an, il faut un siècle pour tout rénover. Un siècle. Et en plus, évidemment, il y a des bâtiments qui vont moins bien supporter ça que d'autres, parce qu'il y a des bâtiments qui sont anciens, de conception compliquée, donc il faudrait les isoler par l'extérieur pour éviter les ponts thermiques. Donc vous voyez, vous ne pouvez pas isoler le Louvre par l'extérieur, par exemple. On voit bien qu'il va y avoir une contrainte. Donc, quelle est la solution pour le bâtiment qui est beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace, beaucoup plus simple, beaucoup moins cher à la portée de tout gouvernement? C'est de baisser la température dans les bâtiments. En gros, le grand programme de rénovation thermique des bâtiments, c'est d'enfiler un pull et de baisser la température en hiver. Alors, ça paraît complètement délirant, évidemment, on dit comme ça. Dans les années 70, la puissance publique faisait des... Après le premier, entre les deux chocs pétroliers, il y avait des publicités à la télévision qui disaient votre pullover vert, le meilleur outil anti-gaspi. Donc j'invente rien. C'est des choses qu'on a pu imaginer. Alors comment le faire concrètement? On ne va pas faire une police de la température qui va venir vérifier que dans votre logement vous avez mis tant. Mais il y a des mécanismes qui permettraient de le faire. Par exemple, de faire un tarif progressif de l'énergie. Aujourd'hui, vous savez que le tarif de l'énergie est dégressif. Plus je consomme, moins je paye. Y compris vous particulier d'ailleurs, parce que vous payez un abonnement fixe, quelle que soit la quantité consommée. Donc, quelque part au kilowattheure, si je consomme très peu de kilowattheure, je paye beaucoup plus cher mon kilowattheure que vous si vous dépensez deux fois plus. Mais on devrait faire l'inverse. On devrait mettre des abonnements gratuits et que les premiers kilowattheures ne soient pas très chers, si je puis dire, et puis qu'ensuite ça monte très très vite. De la même manière que ce n'est pas normal de payer un litre d'eau au même prix si c'est pour boire ou si c'est pour remplir sa piscine. Vous voyez, ce genre de choses-là. Donc, il y a des mécanismes qui sont tout à fait envisageables. Voilà, donc ça c'est le levier de la sobriété. Ensuite, il y a la question, une fois qu'on a dit ça, il y a quand même des choses qu'on va quand même fabriquer, parce que voilà, on a besoin d'un certain nombre d'objets. Et donc vient la question de la conception, donc de qu'est-ce que je vais fabriquer. Bon. Donc là, j'appelle ça un peu l'éco-conception plus, si vous voulez. C'est-à-dire que l'éco-conception, c'est bien ça, c'est de dire je vais faire des produits qui sont plus facilement recyclables, qui contiennent moins de telle ou telle matière rare, etc. Donc il y a déjà une logique et un mouvement qui existe comme ça. Simplement, il faut aller beaucoup plus loin dans la manière de concevoir ces objets. C'est-à-dire que j'aime bien toujours aussi prendre l'exemple du smartphone. En gros, dans un smartphone, vous avez une station météorologique complète, hygromètre, thermomètre, baromètre. Vous avez un accéléromètre, vous avez un gyroscope à trois axes, vous avez plein d'équipements comme ça. Alors, c'est-à-dire à quoi ça sert d'avoir un accéléromètre dans son smartphone? En fait, c'est pour jouer. Parce que si je fais ça ou si je fais ça, j'ai besoin d'un accéléromètre pour savoir que je vais plus ou moins vite. Donc pour jouer au jeu de voiture ou au simulateur de vol, est-ce qu'on a besoin d'avoir des accéléromètres, des gyroscopes à trois axes et plein d'équipements comme ça? Parce que même si on veut éco-concevoir un objet comme ça, dans lequel il va falloir miniaturiser l'ensemble des équipements, etc., c'est pas possible. Ça restera un cauchemar en fin de vie. Donc il faut être capable de faire de l'éco-conception en réfléchissant beaucoup plus en amont la fonctionnalité, de quoi j'ai réellement besoin, pour faire des objets effectivement plus simples, et donc voilà, pour faire des choses qui vont être réparables, modulables, beaucoup plus accessibles aux consommateurs. Alors ça ne veut pas dire que l'objet, il n'est pas compliqué technologiquement. Vous voyez, un vélo, c'est très compliqué technologiquement. Fabriquer un dérailleur de vélo, je veux dire, vous ne pouvez pas faire ça dans un village, quoi, hein, chez le forgeron du coin. Vous avez besoin d'être dans des entreprises qui ont déjà un niveau technologique important. Simplement, un vélo, ensuite, une fois qu'il est fabriqué, bah c'est quasiment immortel, c'est facile de comprendre pourquoi il est en panne, c'est relativement facile à réparer avec un réseau de pièces détachées, c'est pas une technologie... Voilà, c'est très différent. Les 1000 pièces qui composent un vélo, c'est très différent du million de pièces qui composent une voiture aujourd'hui, avec son électronique, etc., et qui n'est plus accessible aux consommateurs. Voilà. Donc, voilà, faire des objets plus simples, mais en étant capable de réfléchir un peu à leur fonctionnalité, être capable de revenir un peu sur peut-être de l'esthétique, des automatismes, le fait que ça tombe jamais en panne, par exemple. Qu'est-ce qui fait qu'Internet, c'est compliqué, par exemple? Parce qu'on va dire, c'est quoi des low-tech dans Internet, ça voudrait dire quoi? J'en dis, Internet, il y avait 95, on pourrait abattre de 95 à 98% la facture énergétique mondiale d'Internet, enfin, et ressources, avec un certain nombre de choses. Alors, je vous en cite quelques-uns, mais il y en a plein d'autres. Par exemple, la question du fait qu'un site ne doit jamais tomber en panne. Le fait qu'un site ne doit pas tomber en panne, vous allez forcément redonder l'ensemble des équipements dans les centres de données, l'ensemble des serveurs, pour tout copier. Le fait qu'on est en temps réel permanent, ça oblige à avoir aussi des serveurs qui vont copier l'ensemble des données d'un bout à l'autre de l'Atlantique. Le fait qu'on regarde beaucoup de vidéos. La vidéo, je veux dire, pourquoi est-ce qu'on continue à installer des câbles transocéaniques aujourd'hui pour accompagner la croissance d'Internet? C'est pas pour que des chercheurs australiens puissent échanger des articles avec des chercheurs européens. C'est parce qu'on s'échange des vidéos de petits chats sur Facebook, d'accord? Donc, et tout ça, c'est voilà, il y a plein de choses comme ça qui pourraient être réfléchies en abattant les fonctionnalités. Et donc, bon, voilà, l'exemple un peu ultime, c'est vous voulez vous faire un café, est-ce que vous faites une machine à expresso qui est bourrée d'électronique, qui a du plastique difficilement recyclable, etc. Ou est-ce que vous faites le moulin à café de grand-mère avec la cafetière italienne, qui fait par ailleurs les meilleurs cafés du monde, paraît-il. Dernier sujet, c'est la question de comment je produis. C'est-à-dire, une fois que j'ai dit que j'allais fabriquer ma cafetière ou ma bicyclette, qu'elle a été conçue intelligemment et que je sais que j'en ai besoin, c'est la question de l'empreinte mondiale de la production. C'est-à-dire qu'on a un phénomène qu'on a finalement vu venir qu'un peu tardivement, c'est la question de la conteneurisation. On parle souvent du pétrole qui est pas cher, qui permet encore aujourd'hui les transports de personnes et de marchandises, mais il y a surtout la question du conteneur. Donc le conteneur qui a été inventé à peu près dans les années 50, c'est un gars qui s'appelle Malcolm McLean qui a racheté des Liberty Ships de la Seconde Guerre mondiale et qui a inventé donc le transport comme ça en caisse, et qui en fait était formidable parce que ça a permis de désengorger les ports, ça a permis de gagner beaucoup de temps. Et en fait, le gars va démarrer donc dans les années 50-60 aux États-Unis, et pendant la guerre du Vietnam, l'armée américaine va être engorgée à Saïgon, n'est plus capable d'amener les crèmes glacées et les cartouches aux 100 000 et quelques GIs qui sont sur le théâtre d'opération à ce moment-là. Et ce gars va arriver et va dire, je vais vous mettre le matériel en container et je vais me passer du port de Saïgon qui est engorgé et qui ne permet pas d'alimenter les GIs. C'est ça l'histoire du container, c'est né comme ça. Et comme le gars est très intelligent, au retour, donc dans le Transpacifique, parce que c'est États-Unis-Vietnam, au retour, il va s'arrêter au Japon. Et au Japon, il va recharger, et ça va être la première vague de délocalisation aux États-Unis. Pour ceux qui se souviennent un peu des trucs qui étaient un peu high-tech dans les années 70, tout était « made in USA », et puis après, ça a commencé à devenir « made in Japan », et puis ensuite, c'est devenu « made in Taiwan », et voilà. Donc, le container, c'est vraiment le truc qui permet aujourd'hui des trucs de jouer sur la compétition des territoires, compétition en termes de salaire, mais aussi en termes de normes environnementales, et qui amène à une aberration absolument incroyable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous savez peut-être que vous aviez vu passer cette information, comme quoi les coquilles Saint-Jacques sont pêchées en Bretagne, et donc la coquille, on a besoin de garder la coquille vide et de la nettoyer, puisqu'ensuite elle va être garnie de farce un peu goût crabe, vous voyez, vendue dans les supermarchés congelés. et pendant que la noix, elle, est vendue fraîche. Et donc la coquille Saint-Jacques, pour être nettoyée, fait l'aller-retour France-Chine. D'accord? Elle est nettoyée en Chine. C'est moins cher à faire nettoyer en Chine. Et on a même trouvé que les boyaux de porc vides, qui sortaient des abattoirs bretons, faisaient l'aller-retour France-Chine aussi pour être nettoyés. Dans quelles conditions, avec quel niveau de transport, je ne me demandais pas. Mais elle revient ensuite pour être garnie de farce. Voilà. Donc ça, c'est le monde dans lequel on vit. Est-ce que aujourd'hui, où on a, disons, de plus en plus de chômage, est-ce qu'on veut aller vers des usines qui sont toujours plus complexes, toujours plus mécanisées, robotisées, consommatrices, elles aussi, de ressources et d'énergie, et avec une empreinte mondiale de la production? Ou est-ce qu'on veut réimaginer, au moins pour une partie de la production, des choses qui sont plus locales, qui sont plus proches des consommateurs, avec des circuits plus courts, et qui vont permettre, derrière, de gagner aussi en énergie, en surface, etc. Les différentes solutions, je ne rentre pas de... Enfin, ce n'est pas des solutions, mais disons les pistes, il y en a beaucoup de différentes, mais on peut penser à des choses en agriculture, par exemple, hein, où aujourd'hui on a été dans une course, et on est encore dans une course à l'échelle, à la productivité, c'est-à-dire en gros combien une personne peut exploiter d'hectares, qui est très différent de la question du rendement. Aujourd'hui, ce dont on a besoin, c'est de produire le plus possible sur un mètre carré. Mais aujourd'hui, quand vous voyez ce qui est en train de se passer en agriculture, on parle de smart agriculture, d'agriculture intelligente, c'est-à-dire qu'en gros, on est en train d'enrichir l'agriculture avec des drones, des robots, des herbores, des choses comme ça. Et bien, c'est toujours dans la course à la productivité, c'est-à-dire pour continuer à détruire du travail humain, alors qu'effectivement, on a plein de gens qui seraient théoriquement disponibles. Voilà. Donc ça ouvre plein de pistes possibles et imaginables. Voilà, donc je vous propose d'en rester là dans un premier temps et je suis ravi de répondre à vos questions. Merci. C'était donc Philippe Biwix qui nous parlait de la transition énergétique et des petits problèmes que les énergies renouvelables high-tech pouvaient poser. Alors voilà, comme Philippe Biwix l'a dit à un moment, il n'est pas très au fait des questions sociales. Et dans son ouvrage voilà, L'âge des low-tech vers une civilisation techniquement soutenable, eh bien, il y a toute une partie qui reprend le contenu de sa conférence sur les métaux, l'énergie, etc. Et il y a aussi toute une partie de propositions sur la transition est-elle possible et comment l'effectuer effectivement vers des low-tech, vers des basses technologies. C'est un peu la partie faible de son livre, mais néanmoins c'est assez intéressant cette réflexion sur les ressources et leur usage, y compris quand elles prétendent produire de l'énergie renouvelable. Signaler aussi sur internet, il y a un site qui s'appelle Low-Tech Magazine, qui est essentiellement en anglais malheureusement, mais certains articles sont en français et c'est un auteur qui vient des Pays-Bas, je crois, qui fait une rétrospective historique des technologies, enfin plutôt des techniques anciennes et un certain nombre de techniques nouvelles aussi qui permettraient justement de produire de l'énergie, transformer un certain nombre de choses grâce à des basses technologies, c'est-à-dire à des procédés assez simples que tout le monde peut mettre en œuvre sans avoir besoin d'électronique ni d'usines, de mines, de minerais, etc. etc. Donc voilà, c'est une petite référence intéressante que ne cite pas d'ailleurs Philippe Biwix. Je ne sais pas s'il a connaissance de ce site, mais en tout cas, c'est quelque chose qui vaut le détour. Il y a quelques articles en français, l'essentiel est en anglais malheureusement. Donc voilà, sur ce, eh bien, je vais vous dire à la prochaine. Thank you. Racine de Moisin, une émission de critique des sciences, des technologies et de la société industrielle, présentée par Radio Zinzine.